les médias et la radio. Leur fait cerveau aliéné par les journaux. La manipulation n'est pas nouvelle. Pourtant on ne les traite pas de criminels. Mass media. Leurs idées politiques sont remplies de haine. Je n'ai plus confiance en la race humaine. Ils nous laissent tous nous questionner sur qui ils sont, sur leur réelle identité. Ce sont des manipulateurs, perfides, avares et autoritaires. Voilà ce qu'ils sont, c'est leur carrière. Traitons-les de sacs à verre, nourris jusqu'à la moelle. Perfides, avares et autoritaires. Voilà ce qu'ils sont, c'est leur carrière. Mass media. Perdus dans leur putain d'idée, ils ne savent plus comment ou avancer. Un pas devant et 50 en arrière, on en a marre de se laisser faire. Mass media. Si vous ne savez plus quoi faire, laissez-nous reprendre vos affaires. On en a marre d'être piétinés par des gens incapables de gouverner. Mass media. Traitons-les de voleurs. Ce sont des manipulateurs, perfides, avares et autoritaires. Voilà ce qu'ils sont, c'est leur carrière. Traitons-les de sacs à merde, pourris jusqu'à la poêle. Perfides, avares et autoritaires. Voilà ce qu'ils sont, c'est leur carrière. Mass media.